Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Ashhadu. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Allah. Anna. Allah. An. An. Na. Na. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. سائل آخر يسأل: ما هي السرورية وما الفرق بينها وبين الإخوان المسلمين؟ هذا السؤال كما قلت لكم من أسئلة الخرج ومدينة الخرج، لعل لقلة من يحاضر فيها عندهم الأسئلة هذه مهمة وجديدة، لكن بالنسبة لكم قد تكررت عليكم هذه الأسئلة والإجابة عليها، لذلك أنا أجيب كأني جالس في الخرج لا في جدة. فأقول: السرورية نسبة إلى محمد سرور زين العابدين المعروف بعدائه لكتب التوحيد وعدائه لأهل التوحيد، ومعروف بتزهيده للشباب في كتب التوحيد ومحاربته لكتب التوحيد. كل ذلك مفصل عندكم في بعض محاضراتي السابقة، وعرفتم موقف كبار العلماء من كتابه وفتواه فيه. هذه هي السرورية. أما الإخوان المسلمون فأقدم منهم وأوسع منهم باعا وأكثر منهم دعاية لمنهجهم ولحركتهم، وهم منتشرون فيكم يعيشون معكم، وهم يتظاهرون بالدعوة إلى الإسلام، لكن دعوة ليس فيها، أي ليس الدعوة عملية، لا إصلاح ولا أمر ولا نهي ولا إنكار منكر ولا تعليم، ولكن تجميع وتجهيل. تجميع، ضربت مثلا لهذه الدعوة في بعض محاضراتي، مثلهم مثل دعوتهم ومثل دعوة السلفيين، كإنسان دخل السوق، سلفي دخل السوق فقال للناس: قوموا يا عباد الله توضؤوا، والذي يحتاج إلى الاغتسال كذلك اغتسلوا، تطهروا، اذهبوا إلى المسجد فصلوا. أي يبدأ بالطهارة والاستعداد للصلاة ثم الصلاة، ويدخل شخص آخر من الطرف الآخر السوق يقول: اتركوا هذا، اذهبوا كلكم إلى المسجد بدون شرط ولا قيد. الجنب والحائض والنفساء والمهدد كلكم ادخلوا المسجد مسلمون، ما فيش داعي لهذه الشروط. هذا مثل دعوتهم، اي تجميع الناس تحت اسم الاسلام بدون تربية بدون تعليم بدون توجيه. اسلام مسلم مسلم وكفى. هذا تضييع وتلبيس وغش وعدم النصح. من غشنا فليس منه، ليست هذه الدعوة. الدعوة إصلاح، علم الناس الطهارة، علم الناس العقيدة، علمهم شروط لا إله إلا الله وشروط الوضوء والصلاة، علمهم تعليم. الدعوة الإسلامية دعوة تربوية، والغريب في الأمن يكثرون من لفظة التربية وليس لديهم تربية، لا يربوا أبدا، لكن التربية في كتبهم كثيرة. خذوا مثالا، عملت في بلد إسلامي كبير، توجد في هذه الجماعة جماعة كبيرة جدا، ويوجد هناك أهل الحديث السلفيون. منهج السلفيين وضعوا لهم منهجا خاصا غير منهج الدولة، يعلمون أولادهم بنين وبنات في مدارسهم الخاصة من تحفيظ القرآن إلى التعليم الجامعي. إذا رأيت أحدهم تعرف من زيه من صلاته من حركاته أنه رجل سلفي. هناك تربية تعليم، مساجدهم لها ميزة، لكن الآخرين الجماعة الكبيرة لا تفرق بينهم وبين سائر الطوائف والفرق الموجودة هناك، لا مساجد خاصة ولا منهج تعليمي خاص، مختلطون بالآخرين تماما، والفرق والطوائف هناك بلا حساب، لا تستطيع أن تفرق بينهم وبين الجماعة التي تسمى الجماعة الإسلامية أبدا، حتى يقول أنا من الجماعة الإسلامية. لو اجتمعت في مجلس ما، لو جمعك المجلس مع الدوبندي والبرلوي وآخر من الجماعة الإسلامية لا يمكن أنك تفرق بينهم أبدا بأي شكل من الأشكال، لكن أهل الحديث باين. كثيرا ما يأتي يصلي شخص بجواري في المسجد النبوي من صلاة يعرف أنه من أهل الحديث، أسأل بعد الصلاة أنت من أهل الحديث؟ نعم. من أي بلد؟ من المدينة الفلانية. باين، لأنه مربى تربية إسلامية. هذا الإسلام، هذه التربية. ليست التربية أن أكتب في الكتب التربية والتربية، وليس هناك تربية عملية، لا. هذا الفرق بين الدعوة الإسلامية الصحيحة وبين الانتساب إلى الإسلام وإلى الدعوة. Dans cette vidéo, avant le document de base de Cheikh Jami rahimahullah, vous trouvez un prélude de la conversion de René enregistrée avec notre frère Abu Talha Fakahullah wa Jazahu Khaira. J'ai choisi ce préambule car il convient beaucoup à ce que Cheikh Jami rahimahullah explique ici. Vous allez comprendre la nuance entre ce prélude et la réponse traduite, Inch'Allah ta'ala. Et nous y reviendrons pour poser une question qui nous semble très très importante. Maintenant, pour ce qui est du morceau traduit, il s'agit d'une réponse de Cheikh Al-Jami rahimahullah, où il démasque deux groupes innovés, à savoir le sororisme et les frères musulmans. Et il met en exergue quelques aspects essentiels par lesquels il se distingue du groupe de base, du groupe qui est sur la bonne voie, qui est la salafia. Écoutons à présent la traduction de cette réponse éloquente et désarmante de Cheikh Al-Jami rahimahullah. Cheikh Mohamed Aman Jami rahimahullah lut la question. Ce questionneur demande: qu'est-ce que la sororia, le sororisme, et quelle est la différence entre elle et les frères musulmans? Et il répondit, rahimahullah, cette question, comme je vous l'avais dit, provient de l'Kharj. Et la ville de l'Kharj, peut-être est-ce parce qu'il s'y tient peu de conférences, alors ces questions sont pour eux importantes et nouvelles. Or, pour vous, elles sont répétitives. C'est pourquoi je répondrai comme si j'étais assis à Al-Kharj et non pas à Jeddah. Je dirais alors, As-Sururiya est une référence à Muhammad Surur Zin al-Abidin, qui est connu par son inimitié pour les livres du monothéisme et par son combat de ces livres. Et ceci n'est que trop détaillé pour vous dans certaines de mes conférences précédentes. Vous connaissez déjà la position des grands savants vis-à-vis de son livre, ainsi que leur fatwa à son sujet. Ceci est le sororisme, as-sururiya. Et en ce qui concerne les frères musulmans, ils sont plus anciens qu'eux. Ils ont plus d'expérience et davantage de propagande pour leur méthodologie et leur mouvement. Ils se distribuent parmi vous Ils vivent avec vous et ils font semblant de prêcher pour l'islam. Mais c'est un prêche d'awa qui n'est pas pratique. Il ne repose pas sur la réforme, ni l'ordre du convenable, ni l'interdiction du blâmable, ni sur l'enseignement. Ce n'est que du rassemblement et de l'abêtissement. J'avais exemplifié cela dans certaines de mes conférences comme suit. On peut comparer leur da'wa, prédication, et celle des salafis comme les attitudes de deux hommes. Le premier est un salafi qui est entré dans un marché. Alors il dit aux gens, « Levez-vous, ô serviteurs d'Allah, faites vos ablutions, al-wudu. Celui d'entre vous qui a besoin de lavage, irtisel, il doit se laver. Purifiez-vous et allez à la mosquée pour y prier. » C'est-à-dire qu'il commence par la purification, at-tahara, et par la préparation à l'adoration de salat, avant de l'accomplir. Et puis le second homme entre de l'autre côté du marché en disant, « Laissez ceci, allez tous à la mosquée, sans condition ni restriction, même celui qui est junub, même la femme ayant des menstrues, al-ha'id, la femme qui vient d'accoucher, al-nufasa, la personne qui n'est pas en état de purification, al-muhdith, entrez tous à la mosquée, vous êtes tous des musulmans, pas besoin de ces conditions. » C'est ainsi que procède leur da'wa, consistant à rassembler les gens sous le nom de l'islam, mais sans éducation aucune, sans instruction, sans orientation, rien, islam, musulman et c'est tout. Ceci est une perdition, une supercherie, une tromperie, et c'est du non-conseil. Or, le prophète dit, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Man rachana fa laysa minna. Ceci n'est pas la da'wa véritable. La da'wa est une réforme, islah. Apprends aux gens la purification, at-tahara. Apprends aux gens la croyance, l'aqida. Apprends-leur les conditions de la ilaha illallah. Les conditions des ablutions, shurut al-wudu. Les conditions de la prière. Apprends-leur. C'est de l'enseignement. La da'wa islamique est une da'wa éducative. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils abusent dans l'emploi de ce terme, éducation, tarbiya. Mais on ne trouve chez eux aucune forme d'éducation, ils n'éduquent point. Cependant, pour le terme d'éducation, tarbiya, il n'est que très récurrent dans leurs livres. Prenez un exemple. J'ai travaillé dans un grand pays islamique, où ce groupe y existe avec un pourcentage très très élevé. Note du traducteur, peut-être est-ce bien que le cheikh fait allusion à son expérience dans l'Inde. Fin de la note. Le cheikh poursuit. Et l'on trouve là-bas les gens du hadith, ahl al-hadith, les salafis, al-salafiyoun, la méthodologie des salafis, manhaj al-salafiyin. Ils avaient posé une méthodologie qui leur est propre, non pas celle de l'État. Ils apprennent à leurs enfants, garçons et filles, dans leurs propres écoles, à commencer par l'apprentissage par cœur du Coran et en allant jusqu'à l'enseignement supérieur. Alors, si jamais tu côtoies l'un d'eux, tu le distingues de par son habillement, sa prière et son comportement. C'est un homme salafi. C'est qu'il y a là une éducation, un enseignement. Leurs mosquées ont une caractéristique. Mais les autres, le grand groupe, tu ne pourras pas les distinguer des autres sectes et clans existants là-bas. Ils n'ont ni mosquée propre, ni plan d'enseignement spécifique. Ils sont simplement absolument mélangés avec tous les autres. Et les groupes et les sectes pullulent là-bas, innombrables. Tu ne pourras absolument pas les distinguer par rapport à ce qui s'appelle le groupe islamique, Al-Jama'a Al-Islamiyya. Il faut attendre que l'un d'eux t'apprenne, je m'affilie à Al-Jama'a Al-Islamiyya. Donc, si tu te trouves dans une assise avec un déobondi, un firlawi et un tiers de Jama'a Islamiya, il te serait impossible de les distinguer de n'importe quelle manière. Néanmoins, pour ce qui est des gens du hadith, ils sont remarquables. Souvent, des gens viennent prier à mon côté dans la mosquée du prophète. De par sa prière, je sais qu'il est des gens de science. Que je lui demande après la prière, As-salah, es-tu des gens du hadith? Et qu'il répond que oui. Alors, t'es de quelle région? Et il affirme qu'il est de la ville telle. C'est clair, puisqu'il porte une éducation islamique. Ceci est l'islam. Ceci est l'éducation. L'éducation ne veut pas dire que j'écrive dans des livres. L'éducation, l'éducation, at-tarbiya, at-tarbiya. Alors qu'il n'est aucune éducation pratique. Non. C'était donc la différence entre la véritable prédication, ad-da'wa sahiha, et entre la simple appartenance à l'islam et à la da'wa. Maintenant, nous revenons à notre point de départ, mais avec un enseignement du cheikh. Il avait dit tarbiya, éducation. Ceux qui se convertissent à l'islam sont certes comme des nouveau-nés, mais ils ont vite besoin d'apprendre ce qui est nécessaire de leur islam. Et la question est, peuvent-ils trouver ce dont ils ont besoin? Peuvent-ils trouver cet apprentissage sinon chez des salafis?